Chapitre 15e. Un curieux courriel. Nous avons passé 5 jours sensationnels. Malgré une température un peu froide, le soleil ne nous a pas quittés. Nous avons pu découvrir des coins pittoresques et merveilleux. Grâce à Gabin et à Duna, nous sommes devenus des aficionados de cette région. En cachette des femmes, j'ai reçu un appel de Chavanne. L'enquête sur la mort de Barthes s'est précisée, à savoir que Fred a bien été tué d'un coup tiré à 20 centimètres de sa gorge, puis le tireur l'a couché confortablement sur le sol et a placé le fusil avec application. Chavanne n'est pas sûr que la faible dimension du bâtonnet soit une erreur du meurtrier. C'est peut-être au contraire un clin d'œil à notre sagacité, comme pour dire « Au cas où vous croiriez vraiment que c'est un suicide, il y a des détails qu'ils ne doivent pas vous tromper. » Je n'ai rien dit à Chavanne de notre voyage et de la relation au Mokhtar Mikkel. Toute précipitation serait préjudiciable, et il nous faut encore cogiter sur cette affaire. Nous tenons un fil de la pelote, mais nous sommes loin de la solution complète du mystère Barbe. Les zones d'ombre ne manquent pas. Pourquoi Mikkel a-t-il quitté la région si rapidement? Comment a-t-il fait la connaissance de Louisa? Que lui a-t-il dit pour pouvoir la décider à partir avec lui? Et enfin, pour quelles raisons sont-ils allés précisément chez Barthes, assassiné comme sa femme? Y a-t-il un lien entre le casse de peau et le braquage du fourgon blindé? Pourquoi seul Mikkel a changé de nom et pas Louisa? À n'en pas douter, il y a une relation entre tous ces points. Mais nous aimerions, Louis et moi, comprendre seuls cette relation sans la demander aux intéressés eux-mêmes, qui, bien évidemment, risquent fort de ne pas nous la donner. Certes, on peut bâtir des hypothèses, mais même moi, qui pourtant ai l'habitude de lancer des idées en l'air comme des bulles de savon, je trouve que ce qui me vient à l'esprit est par trop farfelu. Sur le chemin du retour, nous faisons une halte à Asparen, comme nous l'avions décidé tacitement dès que nous avions connu la résidence d'Etcheberry. Une rapide recherche nous laisse totalement et définitivement sur notre faim. Il n'y a plus personne de la famille Etcheberry dans le patelin, et ce depuis longtemps. Tant pis, on fera 100. De retour à Saucé, nous apprenons sans réelle surprise que Louisa et Mokhtar ont disparu de la circulation. Pour les voisins, il paraît à peu près normal que des gens qui n'ont plus de travail changent de contrée. Mais Louis et moi savons bien que c'est parce que « the job was done » et que l'air deviendra vite irrespirable. Le travail a été fait, et que l'air deviendra vite irrespirable ici, pour Mikkel et Louisa. Soudain, je me souviens d'un détail. « Louis, qu'est-ce que tu comptais faire avec la poupée, tu te souviens ?» J'avais pensé qu'on pouvait peut-être retrouver des traces ADN, mais finalement à quoi bon, et puis avec le temps. Quant à moi, je commence à comprendre l'origine du casque que Barthes a donné à Serge. Ce devait être le casque que portait sa femme, lui aussi de porter des traces d'ADN. Mais qu'est-ce que ça prouvera, maintenant ? Louisa et Mikkel ne sont pas idiots, et ont bien compris que notre voyage a dû frôlement nous éclairer sur l'affaire. Raison de plus pour lever l'ancre. Pour l'instant, d'un accord tacite, Louis et moi jouons les carpes. Nous n'avons pas vraiment envie de révéler ce que nous avons appris. Les voyages ne forment pas que la jeunesse. Quelques jours plus tard, en ouvrant ma messagerie, je remarque un message tout frais qui vient d'entrer. Je l'ouvre. « Cher Monsieur Volpi, dès que j'ai fait votre connaissance, j'ai compris que j'aurais fort à faire avec vous. » Et que la partie serait difficile. Je l'avais signalé à Louisa qui se méfiait de vous et m'avait prié de tout laisser tomber en raison de votre présence juste à côté. Mais il n'était pas question d'abandonner le travail que j'avais mis plusieurs années à échafauder avec mon frère. Je vous dois la vérité, d'abord parce que je vous estime et ensuite parce que vous l'avez presque découverte, j'en suis certain. Vous avez appris lors de votre voyage en Pays Basque comment était mort le père de Louisa. Je lui avais bien dit que votre visite à sa mère risquait de nous faire découvrir, mais elle vous a sous-estimé et vous avez su endormir sa méfiance. Je ne sais pas comment vous avez pu faire le lien entre l'assassinat de son père et celui du mien. Cela restera toujours une énigme pour moi. Quoi qu'il en soit, vous avez compris que nos deux pères avaient été victimes, dans des circonstances différentes, des mêmes assassins. J'ai commencé par rechercher des traces des copains de mon père lorsqu'il était membre d'Iparétarac. Ça n'a pas été facile, car même aujourd'hui, tous se méfient encore de poursuites possibles. Tout comme vous, j'ai trouvé la piste d'Etcheberry, piste qui soi-disant se terminait en cul-de-sac. Mais la chance finissant par me sourire, j'ai découvert un ancien camarade de mon père qui m'a affirmé qu'Etcheberry n'était pas mort et qu'il l'avait aperçu sur un marché du côté de Toulouse. Vous savez que nous avons tous un sosie et je pensais que cet homme se trompait. Or, il avait également cru reconnaître la compagne d'Etcheverry, la rousse à la moto, qui vendait avec lui sur le marché. À l'époque de sa découverte, il n'avait rien dit, car dans ces organisations-là, on ne parle pas. Je me suis tout de suite accroché à cet espoir, mais comment le reconnaître? Où le chercher? Là encore, la chance m'a favorisé. Dans la bande des anciens copains de mon père, le bruit s'est mis à courir que je cherchais à le venger. Ils ont dû décider entre eux de m'aider, et un beau matin, l'un d'eux est venu m'apporter une photo qu'il avait conservée, enfreignant ainsi la règle. Sur cette photo, il me désigna Etcheverry, qu'on voyait distinctement. Bien sûr, il fallait l'imaginer avec 30 ans de plus, ce qui n'était pas évident. J'étais aidé en cela par un ami informaticien qui possédait un logiciel permettant de vieillir des visages. Finalement, nous avons retenu 4 portraits en jouant sur des critères différents. J'avais ces 4 photos en permanence sur moi, et je commençais à écrémer les marchés aux alentours de Toulouse en montrant les visages aux marchands de fringues ambulants. Un matin, l'un d'eux finit par reconnaître quelqu'un dans un des portraits. « Il ne vend plus sur les marchés. Il a des magasins dans Toulouse, et même dans Perpignan, je crois. » Encore une fois, la chance m'a servi, car un jour, en passant devant une boutique, je vis sortir l'homme en question. Questionné, la vendeuse me dit que c'était le proprio, qu'il s'appelait Barthes, mais ne put me donner son adresse exacte. À partir de ce moment, je fis le pied de grue, en face du magasin. Suite sur prochain message, doit quitter réseau. J'imagine Michael réellement digne de travailler dans les services secrets, traquant sa proie jour après jour. Je laisse ma messagerie ouverte pour lire sans tarder la suite de l'histoire des réceptions. 1 heure plus tard, un jingle m'avertit d'une réception. C'est bien la suite. Ma filature constante m'apprit que le gars se nommait Frédéric Barthes, sa femme Maïtena. Elle avait dû garder son prénom d'origine et qu'ils habitaient une coquette villa aux portes de Toulouse. Pour entrer en contact avec eux, je me proposais comme jardinier payé au black. Je sentis aussitôt que je plaisais à sa femme, même lorsque sur un coup de tête, je lui dis que je me prénommais Mokhtar. Elle me fournit aussitôt de la besogne et j'appris rapidement qu'ils envisageaient de s'établir près de Marseille pour leur retraite. Je comprenais très bien pour quelles raisons ils mettaient plusieurs centaines de kilomètres entre eux et le Pays basque. Un après-midi, en fouillant dans la cave, je découvris de vieilles coupures de journaux et je compris que le braquage du fourgon de la Brinks faisait aussi partie de leurs exploits. En retournant une dernière fois à Skien, je m'arrêtai à Saint-Bertrand et fis la connaissance de Louisa. Je ne lui cachai rien de mon projet et lui proposai de s'y associer, ce qu'elle accepta aussitôt. D'anciens camarades de mon père me fournirent de vrais faux papiers au nom de Benlassen Mokhtar. Je comptais en effet me réfugier au Maroc une fois le coup fait. Pour Louisa, c'était trop tard. Il lui fallait courir le risque d'être démasqué. Maïtena Barthes étant à la recherche d'une bonne, je n'eus pas trop de mal à faire accepter Louisa, en raison de ses bonnes manières et de sa maniaque propreté. Nous étions tous les deux à pied d'œuvre à attendre de passer à l'action. Mon plan, que j'eus du mal à faire accepter à Louisa, était de rendre gravataire un des deux, de façon à ce qu'il devienne une véritable croix à porter pour l'autre. Pour celui qui resterait valide, le suicide était une fin tout à fait plausible. Je n'avais donc pas programmé spécialement la mort de Maïtena, ou celle de Barthes lui-même. Avec la chute, j'escomptais une paraplégie totale par trauma crânien ou lésion de la moelle épinière. Je ne voulais pas les supprimer brutalement. Je désirais qu'ils souffrent dans leur cœur et dans leur chair, tout comme nos familles avaient souffert. C'est allé trop vite, et à cause de vous, l'affaire s'est emmanchée d'une drôle de façon. Reconnaissez que si Maïtena avait porté des bottines, vous ne vous seriez douté de rien. Ça tient un peu de choses, quelquefois. Bien évidemment, Louisa m'a vu opérer, et elle a joué son rôle avec brio. J'ai craint pour elle, et en cas de trop grand danger, nous avions déjà organisé notre fuite. Tous les jours, Louisa me tannait pour ce départ, mais j'ai le goût du risque, et je voulais réussir à tout prix la mission que je m'étais fixée, comme je l'avais promis à mon frère. Je savais que Maïtena fricotait avec des ferrailleurs. Aussi, j'ai pensé un moment détourner les soupçons sur eux, mais c'était une solution trop alambiquée. Barthes a réussi à bien vous enfumer, car dès le premier instant, l'assassinat ne fit aucun doute pour lui, qui était loin de nous soupçonner, mais croyait sentir rôder ses complices du passé. Il a vite compris qu'il ne pourrait leur échapper, si c'était eux, et sa fin prochaine lui enlevait le goût de vivre. Là, je dois lui reconnaître un réel courage. Il attendait. Je voulais que Louisa l'empoisonne, mais elle n'a rien voulu savoir. Aussi, lorsqu'il m'a vu venir à sa rencontre dans la garrigue, j'ai lu d'abord dans son regard de la surprise, du doute, car il ne voulait pas croire que je fusse le messager de la mort. J'étais sans armes j'avais une chance sur deux de mourir. Au lieu de me mettre en joue, il m'a demandé « Dis-moi au moins qui tu es ». Quand il a su que j'étais le fils d'Ithurald, il a fait simplement « Alors je comprends ». Et Louisa, c'est la fille de qui? De Bart. Je lui ai dit qu'elle était la fille de Felipe, le chauffeur de la Brinks, et il m'a alors tendu le fusil. Je lui ai demandé de se suicider, mais c'était contraire à ses principes. Tuer les autres, oui, mais pas soi-même. Le reste correspond au rapport de gendarmerie. Je n'avais pas prévu le détail quant à la longueur des bras et du canon, et j'ai bricolé un stratagème qui n'a trompé personne. Mais je tenais quand même à ma thèse du suicide. C'est mon côté jusqu'au boutiste. Il m'avait fallu une trentaine de minutes en tout, et vous ne vous êtes rendu compte de rien. Enfin, sur le moment. Voilà, maintenant vous savez tout. Reconnaissez que la vie nous réserve de drôles de surprises. P.S. Dites-moi comment vous avez établi le lien entre le père de Louisa et le mien. L'adresse e-mail que me donne Michael provient d'un cybercafé, vraisemblablement en Hollande, d'après l'extension. Il m'a percé à jour et a bien compris que je ne tentais rien pour lancer les poursuites et les faire extrader. Je lui réponds donc que ma clairvoyance n'était due qu'au bouquin qu'on m'avait offert, le hasard. Je lui explique également qu'au fur et à mesure, un tas de détails avaient pris leur signification, comme le casque qu'avait donné Bart à Serge, ou les jurons basques et béarnais qui lui échappaient quelquefois, ou l'attitude de Louisa à mon égard, moi qui venais tout compliquer. Deux questions me taraudent encore. Qui était ce Bart, le vrai? Celui que mon voisin avait placé dans son bateau avant de le faire exploser. Il a bien existé, puisque Fred en a parlé avant de mourir. Louisa et Michael s'aiment-ils? Peut-être pas. Toutefois, ils possèdent un lourd secret à porter à deux. J'annonce également à Michael qu'ironie du sort, le testament de Bart Echeverry a réservé une surprise de taille. Il lègue tous ses biens parts égales aux descendants des morts du casse de la banque de Pau, du braquage de Sally Dussala et à la veuve Bart, dont il avait usurpé l'identité du mari après l'avoir assassiné et l'avoir fait disparaître. Le notaire est dans un bel engambi. Avec Louis, nous ne savons pas si nous allons l'aider. Pour l'instant, voilà un héritage en déshérence. Pour le coup, le crime ne profitera peut-être jamais, comme le dit le proverbe. Le procureur a classé l'affaire des Serbes et de l'Alescu en concluant que les meurtriers avaient réglé leur compte entre eux. Pour les meurtres de Maïtena et de Fred, Louisa et Mokhtar sont fortement soupçonnés, mais il faut d'abord leur mettre la main dessus. À l'heure qu'il est, je gage qu'ils ont déjà une identité toute neuve et qu'ils font du tourisme intelligent. La même question me revient toujours en tête, s'aiment-ils ou seront-ils prisonniers pour la vie de leur secret, comme deux forçats attachés à la même chaîne? Quant aux assassinats, pas vraiment élucidés, pour expier ma faute, j'ai décidé de donner un sérieux coup de main à Ren Juarez. J'adhère à son association en qualité de conseil juridique. Après tout, moi aussi je peux m'occuper du malheur des gens. Grâce à moi, elle a ses entrées à l'évêché et ses plaintes sont immédiatement enregistrées. Pour une fois, Gilda m'a félicité pour ma nouvelle activité, même si, au contraire de Serge, elle n'a pas compris ma motivation. C'est mon jardin secret. La maison voisine a été mise en vente. Gilda et moi tannons Serge pour qu'il l'achète. Son épouse Sylvia, elle, n'est pas très chaude. Après tout, c'est la maison d'un meurtre. Et puis le boulot va reprendre bientôt. Il est temps que je m'occupe d'affaires nouvelles. Ainsi s'achève, descendre en décembre, une enquête du commissaire Volpi par Jean Darrigue.